merci à tous, merci la vie, à mort la mort, et à demain. Voilà, c'est fini. Merci à tous, merci la vie, à mort la mort, et à demain.